Si le comédien était sensible, de bonne foi, lui serait-il permis de jouer deux fois de suite un même rôle avec la même chaleur et le même succès? Très chaud à la première représentation, il serait épuisé et froid comme un marbre à la troisième. Au lieu qu'imitateur attentif et disciple réfléchi, la première fois qu'il se présentera sur la scène, sous le nom d'Auguste, de Cinna, d'Orosmane, d'Agamemnon, de Mahomet, copiste rigoureux de lui-même et de nos sensations, observateur continu, son jeu, loin de s'affaiblir, se fortifiera des réflexions nouvelles qu'il aura recueillies. Il s'exaltera ou se tempérera, et vous en serez de plus en plus satisfait. S'il est lui quand il joue, quand cessera-t-il d'être lui? Et s'il veut cesser d'être lui, comment saisira-t-il le point juste, le point précis auquel il faut qu'il s'arrête? Ce qui me confirme dans mon opinion, c'est l'inégalité des acteurs qui jouent dames. Ne vous attendez de leur part à aucune unité. Leur jeu est alternativement fort et faible, chaud et froid, plat et sublime. Ils manqueront demain l'endroit où ils auront excellé aujourd'hui. En revanche, ils excelleront dans celui qu'ils auront manqué la veille, au lieu que le comédien qui jouera de réflexion, d'imitation constante, d'après quelque modèle idéal, sera un, le même à toutes les représentations, toujours également parfait. Tout a été mesuré, combiné, appris, ordonné dans sa tête. Il n'y a dans sa déclamation ni monotonie, ni dissonance. Ce sont les mêmes accents, les mêmes positions, les mêmes mouvements. S'il y a quelque différence d'une représentation à l'autre, c'est ordinairement à l'avantage de la dernière. Il ne sera pas journalier. C'est une glace, toujours disposée à montrer les objets et à les montrer avec le plus de vérité. Le grand acteur est comme le poète. Il va sans cesse puiser dans le fond inépuisable de la nature, au lieu qu'il aurait vu le terme de sa propre richesse. Quel jeu plus parfait que celui de la Clairon. La plus grande interprète de Voltaire, la plus grande actrice de son époque, cependant suivez-la, étudiez-la et vous serez convaincus qu'à la sixième représentation, elle sait par cœur tous les détails de son jeu, comme tous les mots de son rôle. Sans doute, elle s'est fait un modèle. Elle s'est fait un modèle auquel elle a d'abord cherché à se conformer. Sans doute, elle a conçu ce modèle le plus haut, le plus grand, le plus parfait qui lui a été possible. Mais ce modèle qu'elle a emprunté de l'histoire, ou que son imagination a créé comme un grand fantôme, ce n'est pas elle. Si ce modèle n'était que de sa hauteur, que son action serait faible et petite. Quant à force de travail, Elle a approché de cette idée le plus près qu'elle a pu. Tout est fini. Se tenir ferme, là, c'est une pure affaire d'exercice et de mémoire. Si vous assistiez à ces études, combien de fois vous lui diriez « Vous y êtes !»« Vous y êtes !» Combien de fois elle vous répondrait « Vous vous trompez !» C'est comme le Quesnoy, un autre immense acteur de notre époque. Le Quesnoy à qui son ami saisissait le bras en lui criant « Arrêtez !» Le mieux est l'ennemi du bien, vous allez tout gâter. Vous voyez ce que j'ai fait, répliquait l'artiste haletant au connaisseur émerveillé, mais vous ne voyez pas ce que j'ai là et ce que je poursuis. Je ne doute point que la Clairon n'éprouve le tourment du Quesnoy dans ses premières tentatives, mais la lutte passée. Lorsqu'elle s'est, une fois, élevée à la hauteur de son fantôme, elle se possède, elle se répète sans émotion, comme il nous arrive quelquefois dans le rêve. Vous savez, sa tête touche au nu, ses mains vont chercher les deux confins de l'horizon, elle est l'âme d'un grand mannequin qui l'enveloppe. Ses aisselles ont fixé sur elle, nonchalamment étendue sur une chaise longue, les bras croisés, les yeux fermés, immobile. Elle peut, en suivant son rôle de mémoire, s'entendre, se voir, se juger, et juger les impressions qu'elle excitera. Dans ce moment, elle est double, la petite Clairon et la grande Agrippine. Ça n'est pas l'homme violent qui est hors de lui-même qui dispose de nous. C'est un avantage réservé à l'homme qui se possède. Les grands poètes dramatiques surtout, sont spectateurs assidus de ce qui se passe autour d'eux. Ils saisissent tout ce qui les frappe, ils en font des recueils. C'est de ces recueils formés en eux, à leur insu, que tant de phénomènes rares passent dans leurs ouvrages. Les hommes chauds, les hommes violents, les hommes sensibles sont en scène, ils donnent le spectacle, mais ils n'en jouissent pas. C'est d'après eux que l'homme de génie fait sa copie. Les grands poètes, les grands acteurs, les grands, peut-être en général, tous les grands imitateurs de la nature, quels qu'ils soient, doués d'une belle imagination, d'un grand jugement, d'un tact fin, d'un goût très sûr, sont les êtres les moins sensibles. Ils sont également propres à trop de choses. Ils sont trop occupés à regarder, à connaître et à imiter pour être vivement affectés au-dedans d'eux-mêmes. Je les vois sans cesse, le portefeuille sur les genoux et le crayon à la main. Nous sentons, nous, eux, ils observent. Ils étudient, ils peignent. Est-ce que j'ai envie de le dire ? Ben pourquoi non ? La sensibilité n'est guère la qualité d'un grand génie. Il aimera la justice, mais il exercera cette vertu sans en recueillir la douceur. Ça n'est pas son cœur, c'est sa tête qui fait tout. À la moindre circonstance inopinée, l'homme sensible la perd. Il ne sera ni un grand roi, ni un grand ministre, ni un grand capitaine, ni un grand avocat, ni un grand médecin. Remplissez la salle de ces pleureurs, mais surtout n'en placez aucun sur la scène. Voyez les femmes, elles nous surpassent, et certainement de fort loin en sensibilité. Quelle comparaison d'elles à nous dans les instants de la passion. Mais autant nous le leur cédons quand elles agissent, autant elles restent au-dessous de nous quand elles imitent. La sensibilité n'est jamais sans faiblesse d'organisation. La larme qui s'échappe de l'homme, vraiment homme, nous touche plus que tous les pleurs d'une femme. Dans la grande comédie, vous savez, la grande comédie, la comédie du monde, hein, celle à laquelle j'en reviens toujours, toutes les âmes chaudes occupent le théâtre. Tous les hommes de génie sont au parterre. Les premiers s'appellent des fous, les seconds qui s'occupent à copier leur folie s'appellent des sages. C'est l'œil du sage qui saisit le ridicule de tant de personnages divers, qui le peint, qui vous fait rire, et de ces fâcheux originaux dont vous avez été la victime et de vous-même. Ces vérités seraient démontrées que les grands acteurs n'en conviendraient pas. C'est leur secret. Les acteurs médiocres, les acteurs novices sont faits pour les rejeter. Et l'on pourrait dire de quelques autres qu'ils croient sentir, comme on a dit du superstitieux, qu'ils croient croire, et que sans la foi pour celui-ci et sans la sensibilité pour celui-là, il n'y a point de salut. Mais alors quoi, dira-t-on, ces accents si plaintifs, si douloureux que cette mère de famille arrache du fond de ses entrailles et dont les miennes sont si violemment secouées, ça n'est pas le sentiment actuel. Attendez, on était face à un dilemme. Et le dilemme, je pense que j'avais une vague raison de penser qu'on s'en sortirait pas. Nous sommes arrivés hier à midi, et depuis hier midi, on ne parle qu'une chose. Avec les météos les plus sophistiqués, les coups de téléphone aux autorités les plus énormes, j'ai dit modestement « Tentons dans le musée ». On m'a pris pour un rabat-joie. Il faudrait me... Attendez. Parce que autant que j'essaye d'assumer le bateau... Attends. On va prendre une décision parce que là, c'est atroce. J'ai une anecdote à vous raconter quand ça ira mieux. Quand je jouais dans la cour du Palais des Papes, je jouais en attendant Godot avec Michel Bouquet. Et comme le texte de Pozzo dans cette pièce sublime en attendant Godot est un des textes les plus illogiques, les plus difficiles du répertoire, j'avais la chance et l'honneur d'être le répétiteur de Michel avec qui j'avais fait quelques films et je passais mon temps à lui donner la réplique pour vérifier si son texte fonctionnait. Et alors j'étais dans un restaurant et il était en train de dîner, il répétait « J'aimerais bien le connaître, ce Godet, ce Godin, ce Godot. Enfin, vous voyez qui je veux dire. Oui, j'aimerais bien le rencontrer, vous m'avez pris pour Godot. Qui est Godot? Vous m'avez pris !» Il criait dans le restaurant, les gens se disaient « Mais c'est des gens totalement anormaux. » Mais il répétait son texte inlassablement. Et puis il y avait l'angoisse constante du ciel. Et toutes les minutes, il y avait eu un responsable génial, sans aucune méchanceté pour vous, qui disait toujours « ça va passer, c'est pas grave ». Et Bouquet a dit cette phrase extraordinaire, il a regardé le ciel, on était dans un restaurant, Il a regardé le ciel avec ses yeux magnifiques et brillants. Il a dit, quand on joue à Avignon, on est même plus un acteur, on est comme un amiral, l'œil fixé sur les nuages. Mais moi, je voudrais qu'il pleuve de la boue et puis qu'on ne joue plus. Mais alors, dites-moi, ces accents si plaintifs, ces accents si douloureux que cette mère de famille arrache au fond de ses entrailles et dont les miennes sont si secouées, ça n'est pas le sentiment actuel qui les produit, ça n'est pas le désespoir qui les inspire? Mais nullement, nullement, la preuve, c'est qu'ils sont mesurés. Monsieur Santelli, qu'est-ce qu'il faut faire, moi je... On attend 5 minutes, on s'en va, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, bah, en plus, on n'a pas de bol, c'est la partie théorique du texte du début, et après, ça s'arrange, mais il y a une partie théorique qu'on est obligé de... On est bien, bon. Mais alors quoi, dira-t-on ? Ces accents si plaintifs, c'est agréable parce que Diderot c'est une langue sublime et plus on la répète, plus on l'intègre. Mais quoi, dira-t-on, ces accents si plaintifs, ces accents si douloureux que cette mère de famille arrache du fond de ses entrailles et dont les miennes sont si violemment secouées, ça n'est pas le sentiment actuel qui les produit, ça n'est pas le désespoir qui les inspire, nullement, nullement. Et la preuve, c'est qu'ils sont mesurés, qu'ils font partie d'un système de déclamation, que plus bas ou plus aigu de la 20e partie d'un quart de ton, ils sont faux, qu'ils sont soumis à une loi d'unité, qu'ils sont comme dans l'harmonie préparés et sauvés, qu'ils ne satisfont à toutes les conditions requises que par une longue étude, qu'ils concourent à la solution d'un problème proposé, que pour être poussés juste, ils ont été répétés 100 fois, et que malgré ces fréquentes répétitions, on les manque encore. C'est qu'avant de dire « Zahir, vous pleurez !» où vous y serez, ma fille. L'acteur s'est longtemps écouté lui-même. C'est qu'il s'écoute au moment où il vous parle. C'est que tout son talent consiste non pas à sentir, comme vous le supposiez, mais à rendre si scrupuleusement les signes extérieurs du sentiment que vous vous y trompiez. Les cris de sa douleur sont notés dans son oreille. Les gestes de son désespoir sont de mémoire et ont été préparés devant une glace. Il sait le moment précis où il tirera son mouchoir et où les larmes couleront. Attendez-les à ce mot, attendez-les à cette syllabe, ni plus tôt ni plus tard, ce tremblement de la voix, ces mots suspendus, ces sons étouffés ou traînés, ce frémissement des membres, ce vacillement des genoux, ces évanouissements, ces fureurs, pure imitation, le son recordé d'avance, grimaces pathétiques, singeries sublimes, dont l'acteur garde le souvenir longtemps après l'avoir étudié, dont il avait la conscience présente au moment où il l'exécutait, qui lui laisse, heureusement pour le poète, heureusement pour le spectateur, et heureusement pour lui, toute la liberté de son esprit, qui ne lui ôte ainsi que les autres exercices que la force du corps, le soc, c'est-à-dire le cothurne enlevé, déposé, sa voix est éteinte. Il éprouve une extrême fatigue. Il va changer de linge et se coucher, mais il ne lui reste ni trouble, ni douleur, ni mélancolie, ni affaissement d'âme. C'est vous qui remportez toutes ces impressions. L'acteur est là et vous êtes triste parce qu'il s'est démené sans rien sentir. Et que vous avez senti sans vous démener. S'il en était autrement, la condition de comédien serait la plus malheureuse des conditions. Il n'est pas le personnage. Il le joue. Et il le joue si bien que vous le prenez pour tel. L'illusion n'est que pour vous. Il le sait bien, lui, qu'il ne l'est pas. Des sensibilités diverses qui se concertent entre elles pour obtenir le plus grand effet possible, qui se diapasonnent, qui s'affaiblissent, qui se fortifient, qui se nuancent pour former un tout qui soit un, ça me fait rire. J'insiste et je dis, c'est l'extrême sensibilité qui fait les acteurs médiocres. C'est la sensibilité médiocre qui fait la multitude des mauvais acteurs. Et c'est le manque absolu de sensibilité qui prépare les acteurs sublimes. Les larmes du comédien descendent de son cerveau. Celles de l'homme sensible montent de son cœur. Ce sont les entrailles qui troublent sans mesure la tête de l'homme sensible, c'est la tête du comédien qui porte quelquefois un trouble passager dans ses entrailles. Il pleure comme un prêtre incrédule qui prêche la passion, comme un séducteur aux genoux d'une femme qu'il n'aime pas, mais qu'il veut tromper, comme un gueux dans la rue ou à la porte d'une église qui vous injurie lorsqu'il désespère de vous toucher, ou comme une courtisane qui ne sent rien mais qui se pâme entre vos bras. Avez-vous jamais réfléchi à la différence des larmes excitées par un événement tragique et des larmes excitées par un récit pathétique? Avez-vous jamais réfléchi? On s'entend raconter une histoire ou une belle chose. Peu à peu, la tête s'embarrasse, les entrailles s'émeuvent. Les larmes coulent. Au contraire, à l'aspect d'un accident tragique, l'objet, la sensation et l'effet se touchent. En un instant, les entrailles s'émeuvent. On pousse un cri, la tête se perd, les larmes coulent. Celles-ci viennent subitement, les autres sont amenées. Avez-vous rien à m'objecter? Vous n'avez rien à m'objecter? Ah oui, je vous entends. Vous faites un récit en société. Vos entrailles s'émeuvent. Votre voix s'entrecoupe. Vous pleurez. Vous avez, dites-vous, senti, puis très vivement senti. J'en conviens. Mais vous y êtes-vous préparé? Non. Parliez-vous en vers? Non. Cependant, vous entraîniez, vous étonniez, vous touchiez, vous produisiez un grand effet. Il est vrai, mais portez au théâtre votre ton familier, votre expression simple, votre maintien domestique. Votre geste naturel, et vous verrez combien vous serez pauvre et faible. Vous aurez beau verser des pleurs, vous serez ridicule. On rira. Ça ne sera pas une tragédie, ça sera une parade tragique que vous jouerez. Croyez-vous que les scènes de Corneille, croyez-vous que les scènes de Racine, croyez-vous que les scènes de Voltaire et même de Shakespeare puissent débiter avec votre voix de conversation et le ton du coin de votre âtre? Pas plus que l'histoire du coin de votre âtre avec l'emphase et l'ouverture de la bouche du théâtre. C'est peut-être que Racine et Corneille, tous grands hommes qu'ils étaient, n'ont rien fait qui vaille, me direz-vous? Quel blasphème! Qu'est-ce qui oserait le proférer? Qui est-ce qui oserait y applaudir? Mais les choses familières de Corneille ne peuvent pas même se dire d'un ton familier. Mais une expérience que vous aurez 100 fois répétée, c'est qu'à la fin de votre récit, au milieu du trouble et de l'émotion que vous avez jeté dans votre entourage de salon, il survient un nouveau personnage dont il faut satisfaire la curiosité. Vous ne le pouvez plus. Votre âme est épuisée. Il ne vous reste ni sensibilité, ni chaleur, ni larmes. Pourquoi l'acteur n'éprouve-t-il pas le même affaissement? C'est qu'il y a bien de la différence de l'intérêt qu'il prend à un conte fait à plaisir et de l'intérêt que vous inspire le malheur de votre voisin. Êtes-vous Cinna? Avez-vous jamais été Cléopâtre, Mérope, Agrippine? Est-ce que la Cléopâtre, la Mérope, l'Agrippine, le Cinna du théâtre sont-ils même des personnages historiques? Non. Ce sont les fantômes imaginaire de la poésie. Je dis trop, je dis beaucoup trop. Ce sont les spectres de la façon particulière de tel ou de tel poète. Laisser ces espèces d'hippogriffes sur la scène avec leurs mouvements, leur allure et leurs cris, ils figureraient mal dans l'histoire, ils feraient éclater de rire dans une société et on demanderait à l'oreille, est-ce qu'il est en délire? D'où vient ce Don Quichotte? Où fait-on de ces contes-là? Quelle est la planète où l'on parle ainsi? Mais alors me direz-vous, pourquoi ne révolte-t-il pas au théâtre? C'est parce qu'ils sont de convention. C'est une formule donnée par le vieil Échille. C'est un protocole de 3000 ans. Connaissez-vous une situation plus semblable à celle d'Agamemnon dans la première scène d'Iphigénie que la situation de Henri IV, lorsqu'obsédé de terreur qui n'était que trop fondée, il disait à ses familiers « Ils me tueront, Ils me tueront, rien n'est plus certain, ils me tueront. Supposez que cet excellent homme, ce grand, ce malheureux monarque, tourmenté la nuit de ce pressentiment funeste, se lève et s'en aille frapper à la porte de Sully, son ministre et son ami. Croyez-vous qu'il y eut un poète assez absurde pour faire dire à Henri, « Oui, c'est Henri, c'est ton roi qui t'éveille, viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille. » Et faire répondre à Sully, « C'est vous-même, Seigneur, quel important besoin vous a fait devancer l'aurore de si loin. À peine un faible jour vous éclaire et me guide. Vos yeux seuls et les miens sont ouverts. Mais direz-vous, c'est peut-être là le vrai langage d'Agamemnon. Mais non ! C'est pas plus que celui de Henri IV, c'est celui d'Homère, c'est celui de Racine, c'est celui de la poésie. Et ce langage pompeux ne peut être employé que par des êtres inconnus, parlé que par des bouches poétiques avec un ton poétique. Réfléchissez un moment sur ce qu'on appelle au théâtre être vrai. Est-ce y montrer les choses comme elles sont en nature ? Aucunement. Le vrai en ce sens ne serait que le commun. Qu'est-ce donc que le vrai de la scène ? C'est la conformité des actions, des discours, de la figure, de la voix, du mouvement, du geste avec un modèle idéal, imaginé par le poète et souvent exagéré par le comédien. Voilà le merveilleux ! Ce modèle n'influe pas seulement sur le ton, il modifie jusqu'à la démarche, jusqu'au maintien. De là vient que le comédien dans la rue ou sur la scène sont deux personnages si différents qu'on a à peine à les reconnaître. La première fois que je vis la Clairon, chez elle, je m'écriais tout naturellement, « Mademoiselle, je vous croyais de toute la tête plus grande. » Une femme malheureuse, Mandala Guru Sadguru De Sadguru. C'est des incantations du sud de l'Inde qui des fois fonctionnent. Sadguru De Sadguru De Om Mandala Sadguru De Ariram Ariram Ariram Ariram. C'est pas mauvais, ça a marché. Une femme malheureuse et vraiment malheureuse pleure et ne vous touche point. Il y a pire, c'est qu'un trait léger qui la défigure vous fait rire. C'est qu'un accent qui lui est propre dissonne à votre oreille et vous blesse. C'est qu'un mouvement qui lui est habituel vous montre sa douleur ignoble et maussade. C'est que les passions outrées sont presque toutes sujettes à des grimaces que l'artiste sans goût copie servilement, mais que le grand artiste évite. Nous voulons qu'au plus fort des tourments, l'homme garde le caractère d'homme, la dignité de son espèce. Quel est l'effet de cet effort héroïque ? De distraire de la douleur et de la tempérer. Nous voulons que cette femme tombe avec décence, avec mollesse, que ce héros meure comme le gladiateur ancien au milieu de l'arène, aux applaudissements du cirque, avec grâce, avec noblesse, dans une attitude élégante et pittoresque. Qui est-ce qui remplira notre attente ? Sera-ce l'athlète que la douleur subjugue et que la sensibilité décompose ? Ou l'athlète académisé qui se possède et qui pratique les leçons de la gymnastique en rendant le dernier soupir, le gladiateur ancien comme un grand comédien. Un grand comédien comme le gladiateur ancien ne meurt pas comme on meurt dans un lit, mais sont tenus de nous jouer une autre mort pour nous plaire. Et le spectateur délicat sentirait que la vérité nue, l'action dénouée de tout après, serait mesquine, et contrasterait avec la poésie du reste. Je vous félicite. La première partie théorique est en train de se terminer. Nous entrons dans l'illustration. Le plus grand acteur de l'époque s'appelait Garrick. Garrick passe sa tête entre les deux battants d'une porte. Et dans l'intervalle de 4 ou 5 secondes, son visage passe successivement de la joie folle à la joie modérée, de cette joie à la tranquillité, de la tranquillité à la surprise, de la surprise à l'étonnement, de l'étonnement à la tristesse, de la tristesse à l'abattement, de l'abattement à l'effroi, de l'effroi à l'horreur, de l'horreur au désespoir, et remonte de ce dernier degré à celui d'où il était descendu. Est-ce que son âme a pu éprouver toutes ces sensations et exécuter de concert avec son visage cette espèce de gamme? Ben, j'en crois rien. Et vous non plus, d'ailleurs. Si vous demandiez à cet homme célèbre qui lui seul méritait autant qu'on fit le voyage d'Angleterre que tous les restes de Rome méritent qu'on fasse le voyage d'Italie. Si vous lui demandiez la petite scène du garçon pâtissier, il vous la jouait. Si vous lui demandiez tout de suite la scène d'Hamlet, il vous la jouait. Également prêt à pleurer la chute de ses petits pâtés et à suivre dans l'air le chemin d'un poignard. Est-ce qu'on rit? Est-ce qu'on pleure? On en fait la grimace, plus ou moins fidèle, plus ou moins trompeuse, selon qu'on est ou qu'on n'est pas ce grand génie, Garrick. Je persifle, et quelquefois, et même avec assez de vérité pour en imposer aux hommes du monde les plus déliés, lorsque je me désole de la mort simulée de ma sœur dans la scène de l'avocat Banormand, lorsque dans la scène avec le premier commis de la marine, je m'accuse d'avoir fait un enfant à la femme d'un capitaine de vaisseau, j'ai tout à fait l'air d'éprouver de la douleur et de la honte, mais suis-je affligé? Je suis honteux? Pas plus dans la petite comédie que dans la société où j'avais fait ces deux rôles avant de les introduire dans un ouvrage de théâtre. Qu'est-ce donc qu'un grand comédien? Un grand persifleur tragique ou comique à qui le poète a dicté son discours. Sedaine, le grand auteur, donne sa pièce, appelée « Le philosophe sans le savoir ». Je m'intéressais plus vivement que lui peut-être au succès de sa pièce. La jalousie de talent est un vice qui m'est étranger. J'en ai assez d'autres sans celui-là. J'atteste tous mes confrères en littérature, lorsqu'ils ont daigné quelquefois me consulter sur leurs ouvrages. Si je n'ai pas fait tout ce qui dépendait de moi pour répondre dignement à cette marque distinguée de leur estime, le philosophe, sans le savoir, donc la pièce de Sedaine, chancelle à la première représentation. À la seconde représentation, j'en suis affligé. À la troisième, il va au nu. J'en suis transporté de joie. Le lendemain matin, je me jette dans un fiacre. Je cours après Sedaine. C'était en hiver. Il faisait le froid le plus rigoureux. Je vais partout où j'espère le trouver. J'apprends qu'il est faubourg Saint-Antoine. Je m'y fais conduire. Je l'aborde. Je jette mes bras autour de son cou. La voix me manque, les larmes me coulent le long des joues. Voilà l'homme sensible et médiocre. Sedaine, le grand auteur, immobile, froid, me regarde et me dit « Oh, monsieur Diderot, que vous êtes beau !» Voilà l'observateur et l'homme de génie. Je vous montrerai un personnage dans un moment rendu plat et sot par sa sensibilité et dans le moment suivant, sublime par le sang-froid qui succéda à la sensibilité étouffée. Le voici, je vais vous le raconter. Un littérateur dont je tairai le nom était tombé dans l'extrême indigence. Il avait un frère théologal. Je demandai à l'indigent pourquoi son frère ne le secourait pas. « C'est, me répondit-il, que j'ai de grands torts avec lui. » J'obtins de celui-ci la permission d'aller voir monsieur le théologal. J'y vais. On m'annonce. J'entre. Je dis au théologal que je venais lui parler de son frère. Il me prend brusquement par la main, me fait asseoir et m'observe qu'il est d'un homme censé de connaître celui dont il se charge de plaider la cause. Puis m'apostrophant avec force, « Connaissez-vous vraiment bien mon frère ?»« Je le crois, je réponds, je le crois. » « Êtes-vous instruit de ses procédés à mon égard ?» Je le crois, vous le croyez, vous savez donc, et voilà que mon théologal me débite avec une rapidité, une véhémence surprenante, une suite d'actions plus atroces, plus révoltantes les unes que les autres. Ma tête s'embarrasse, je me sens accablé. Je perds le courage de défendre un homme aussi abominable monstre que celui qu'on me dépeignait. Heureusement, mon théologal, un peu prolixe dans sa philippique, me laissa le temps de me remettre. Peu à peu, l'homme sensible se retira et fit place à l'homme éloquent, parce que j'oserais dire que je le fus dans cette occasion. « Monsieur, dis-je froidement au théologal, « votre frère a fait pire. Je vous loue de me sceller le plus criant de ses forfaits. » Le théologal, « je ne sais le rien. Vous auriez pu ajouter à tout ce que vous m'avez dit qu'une nuit, comme vous sortiez de chez vous pour aller à Mapine, qui vous avait saisi à la gorge, et que tirant un couteau qu'il tenait caché sous son habit, il avait été sur le point de vous l'enfoncer dans le sein. Le théologal, il en est bien capable, mais si je ne l'en ai pas accusé, c'est que cela n'est pas vrai. Et moi, me levant subitement, attachant sur mon théologal un regard ferme et sévère, je m'écriais d'une voix tonnante avec toute la véhémence et l'emphase de l'indignation. Et quand cela serait vrai, est-ce qu'il ne faudrait pas encore donner du pain à votre frère ? Le théologal, écrasé, terrassé, confondu, reste muet, se promène, revient à moi, et m'accorde une pension annuelle pour son frère. Est-ce au moment où vous venez de perdre votre ami ou votre maîtresse que vous composerez un poème sur sa mort ? Non. Malheur à celui qui jouit alors de son talent. C'est lorsque la grande douleur, la véritable douleur est passée. Quand l'extrême sensibilité est amortie, lorsqu'on est loin de la catastrophe, que l'âme est calme, qu'on se rappelle son bonheur éclipsé, qu'on est capable d'apprécier la perte qu'on a faite, que la mémoire se réunit à l'imagination, l'une pour retracer, l'autre pour exagérer la douceur du temps passé, qu'on se possède et qu'on parle bien, vous entendez. On dit qu'on pleure, mais on ne pleure pas lorsqu'on poursuit une épithète énergique qui se refuse. On dit qu'on pleure, mais on ne pleure pas lorsqu'on s'occupe de rendre son vers harmonieux. Ou si les larmes coulent, la plume tombe des mains. On se livre à son sentiment et l'on cesse de composer. Mais il en est des plaisirs violents ainsi que des peines profondes. Ils sont muets. Un ami tendre, sensible, revoit un ami qu'il avait perdu par une longue absence. Celui-ci reparaît dans un moment inattendu et aussitôt le cœur du premier se trouble. Il court, il embrasse, il veut parler, il ne saurait, il bégaye des mots entrecoupés, il ne sait ce qu'il dit, il n'entend rien de ce qu'on lui répond. S'il pouvait s'apercevoir que son délire n'est pas partagé, combien il souffrirait. Jugez, mes amis, par la vérité de cette peinture, de la fausseté de ces entrevues théâtrales où deux amis ont tant d'esprit et se possèdent si bien. Il est mille circonstances pour une où la sensibilité est aussi nuisible dans la société que sur la scène. Voilà deux amants. Ils ont l'un et l'autre une déclaration à faire. Quel est celui qui s'en tirera le mieux? Mais ce n'est pas moi. Je m'en souviens. Je m'approchais de l'objet aimé qu'en tremblant, le cœur me battait, mes idées se brouillaient, ma voix s'embarrassait. J'estropiais tout ce que je disais. Je répondais non quand il fallait répondre oui. Je commettais mille gaucheries, des maladresses sans fin. J'étais ridicule, de la tête aux pieds. Je m'en apercevais, je n'en devenais que plus maladroit et plus ridicule, tandis que sous mes yeux, un rival gai, léger, plaisant, se possédant, jouissant de lui-même, n'échappant aucune occasion de louer finement, amusait, plaisait, était heureux, il sollicitait une main qu'on lui abandonnait, il en saisissait quelquefois sans l'avoir sollicité, il la baisait. Et puis moi, retiré dans un coin, détournant mes regards d'un spectacle qui m'irritait, étouffant mes soupirs, faisant craquer mes doigts, à force de serrer les poings, accablé de mélancolie, couvert d'une sueur froide, je ne pouvais ni montrer, ni sceller mon chagrin. On a dit que l'amour qui ôtait l'esprit à ceux qui en avaient en donnait à ceux qui n'en avaient pas, c'est-à-dire en autre français, qui rendait les insensibles et sots et les autres froids et entreprenants. L'homme sensible obéit aux impulsions de la nature et ne rend précisément que le cri de son cœur au moment où il tempère, où force ce cri, ce n'est plus lui, c'est un comédien qui joue. Le grand comédien observe les phénomènes. L'homme sensible lui sert de modèle. À la première représentation d'Inès de Castro, qui était une tragédie de Houdard de la Motte, représentée pour la première fois en 1723, à l'endroit où les enfants paraissent, le parterre se mit à rire. À rire ! La Duclos, l'immense actrice, la Duclos qui faisait Inès, indignée, dit au parterre « Ris donc, saut parterre, au plus bel endroit de la pièce !» Le parterre l'entendit, se contint, l'actrice reprit son rôle et ses larmes et celles du spectateur coulèrent. Quoi ? Est-ce qu'on passe et repasse ainsi d'un sentiment profond à un sentiment profond ? De la douleur à l'indignation ? De l'indignation à la douleur ? Je ne le conçois pas, mais ce que je conçois très très bien, c'est que l'indignation de la Duclos était réelle et que sa douleur simulée. Le plus sublime de tous les grands acteurs, Quino Dufresne, joue le rôle de Séverine dans Polyeucte. Il était envoyé par l'empereur Décius pour persécuter les chrétiens. Il confie ses sentiments secrets à son ami sur cette secte calomniée. Le sens commun exigeait que cette confidence, qui pouvait lui coûter la faveur du prince, sa dignité, sa fortune, sa liberté, peut-être la vie, se fît à voix basse. Le parterre lui crie « Plus haut !» Il réplique au parterre « Et vous, messieurs, plus bas !» Est-ce que s'il eût été vraiment sévère, ce personnage, il fût revenu si prestement Quino ? Mais non. Il n'y a que l'homme qui se possède, comme sans doute il se possédait, l'acteur rare, le comédien par excellence, qui puisse ainsi déposer et reprendre son masque. Je ne peux pas finir sans vous parler de Lequin Ignace, un autre grand acteur, descend dans le tombeau de son père. Il y égorge sa mère. Il en sort les mains sanglantes. Il est rempli d'horreur. Ses membres tressaillent. Ses yeux sont égarés. Ses cheveux semblent se hérisser. Sur sa tête, vous sentez frissonner les vôtres. La terreur vous saisit. Vous êtes aussi éperdu que lui. Cependant, le Canignas pousse du pied vers la coulisse une pendeloque de diamant qui s'était détachée de l'oreille d'une actrice. Et cet acteur-là le sent. Ça ne se peut ? Diriez-vous qu'il est mauvais acteur ? Moi, j'en crois rien. Qu'est-ce donc que Lequin Ignace ? C'est un homme froid, qui ne sent rien, mais qui figure supérieurement la sensibilité. Il a beau s'écrier « Où suis-je ? » Ben moi, je lui réponds « Où tu es ?» Tu le sais bien, t'es sur des planches et tu pousses du pied une pendeloque vers la coulisse. Un acteur est pris de passion pour une actrice. Une pièce les met par hasard en scène, dans un moment de jalousie. La scène y gagnera si l'acteur est médiocre. Elle y perdra s'il est grand comédien. Alors le grand comédien devient lui et n'est plus le modèle idéal, sublime, qu'il s'est fait d'un jaloux. Une preuve qu'alors l'acteur et l'actrice se rabaissent l'un et l'autre à la vie commune. Ah. Vous allez me dire qu'il y a cependant des vérités de nature qu'on pourrait imiter. Oui, comme il y en a dans la statue du sculpteur qui a rendu fidèlement un mauvais modèle. On admire ces vérités, mais on trouve le tout pauvre et méprisable. Moi, je dis plus, un moyen sûr de jouer petitement, mesquinement, c'est d'avoir à jouer son propre caractère. Vous êtes un Tartuffe, un avare, un misanthrope ? Eh bien, vous le jouerez bien, mais vous ne ferez rien de ce que le poète a fait. Lui, le Tartuffe. L'avare, le misanthrope. Oui, et vous pouvez me poser cette question, mais quelle différence mettez-vous entre un Tartuffe et le Tartuffe ? Le commis Billard est un Tartuffe. L'abbé Grisel est un Tartuffe, mais il n'est pas le Tartuffe. Le financier Toinard est un avare, mais il n'était pas l'avare. L'avare et le Tartuffe ont été faits d'après tous les Toinards et tous les Grisels du monde. Merci de votre courage.